Il alla donc un soir chez elle, au hasard, vers 5 heures. Il y trouva M. de Montélin, établi au coin du feu. M. de Montélin, qui avait déjà bien assez de la présence de Toby, fut tellement exaspéré par celle de M. de Lerne qu'il en perdit son savoir-vivre ordinaire. Il persista, contre toute convenance, à prolonger indéfiniment sa visite, si bien que Jacques de Lerne dut prendre le parti de se retirer le premier, quoiqu'il fût arrivé le dernier. M. de Montélin n'y gagna pas grand-chose, et l'excessive froideur que lui témoigna Jeanne après le départ de Jacques l'avertit qu'il avait commis une maladresse. Pour la réparer, il s'empressa, comme c'est l'usage, d'en commettre une seconde. « Vous paraissez m'en vouloir, dit-il en souriant, de n'avoir pas cédé la place à M. de Lerne ?»« Tout bonnement, oui, dit-elle. Vous étiez arrivé avant lui, et rester après lui, c'est vous donner ici un air de maître de maison auquel vous n'avez aucun droit, que je sache. »« C'est vrai, dit-il, je vous demande 1000 fois pardon, mais vous savez que le sentiment ne résonne pas. » »« Il a tort, reprit-elle. De plus, vous êtes, il me semble, avec M. de Lerne, depuis votre duel, dans une situation qui vous commande envers lui des égards particuliers. » « C'est juste, mais comment trouver la force de m'arracher ?»« À propos, interrompit la jeune femme, quel était donc le motif de ce duel? Peut-on savoir ?»« Oh, rien, un commérage. »« Un commérage? Quel commérage ?»« Un mot blessant qui m'avait été rapporté. »« Ah, quel mot? Vous ne voulez pas me le dire? Vous préférez que je le devine ?» « Alors, vous le savez, » dit M. de Montélin. « Mais certainement, » dit-elle. « Comme c'est bête, hein ?»« Mais non, pas tant. »« J'espère que ce n'est pas lui qui vous l'a dit, en tout cas. »« Il a trop d'honneur pour cela, » répondit Jeanne. M. de Montélin, voyant que décidément cette partie d'escrime ne tournait pas à son avantage, présenta encore quelques excuses et prit congé.